son rayon de soleil dès 7h du matin. C'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Voilà, bon dia la planète et la familia. J'espère que vous allez bien. Il est tout juste 7h. On est heureux de vous retrouver jusqu'à 9h avec le soleil aujourd'hui. Ça, c'est la bonne nouvelle. Jusqu'à 27, 28, voire 29 degrés sur Orléans, Pithiviers, Jargeau, Feuillologe. Et ouais, vous allez pouvoir bronzer toute la matinée. En tout cas, on est là avec plein de sons, du latina, des souvenirs disco, des souvenirs house music et puis du vrai son pour démarrer cette matinée sous le soleil de la radio arc-en-ciel. Ultra Nati et Don't Free. Votre réveil matin, c'est Francky. Arriba. clase de metido y no te deja guía tan nina. ¿Quién puede parar eso que al bailar te controla tu cadena? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra. Una mano arriba, siento una sola. Dame la vuelta y sacude duro. No te quite ahora, que esto solo empieza. Ninguém vai ficar parado. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Seine, appelle le 02 38 43 48 00. Elle garde le contrôle, c'est une évidence. Quand elle baila, c'est elle qui mène la danse. Même les femmes autour n'ont plus aucune chance. On serait fou de croire en son innocence. Elle me rend fou. Elle influe un sourire qui sauront te charmer. Elle garde le contrôle, c'est une évidence. Quand elle baila, c'est elle qui mène la danse. Même les femmes autour n'ont plus aucune chance. On serait fou de croire en son innocence. Elle me rend fou. Ça fait du bien, un peu de soleil. Salut à Laurent qui nous écoute, Delphine aussi qui est connectée du côté de Saint-Privé, Saint-Mémin. On est heureux de vous retrouver, on est là jusqu'à 9h avec du son caliente. Fabian Juanmay, Abusadora. Belle journée et bon réveil sur le soleil de radio, on est en direct. Arc-en-ciel. Avec Arc-en-ciel, voici les bons plans de la passerelle. Et mieux quand ça marche en ce sens-là, et bien justement, des bons plans de la passerelle, c'est aujourd'hui, ce mardi, de l'humour, de la délicatesse, de la tendresse, plein de drôleries. Sur scène, il sera là, Louis Arthur, l'amoureux solitaire. Ça se passe à la salle des fêtes de la passerelle à Fleury-les-Aubrais. Un spectacle à ne pas rater ce soir, à partir de 19h et 21h. Et c'est à partir de 12 ans, l'amoureux solitaire sur scène. Louis Arthur a fleuri les Aubrais. Plein de sons pour vous réveiller ce matin. Le meilleur des souvenirs récents, on adore, dans les années fin 90. Moloko avec Sing and Back. Bon week-end qui arrive bientôt. Bah ouais, ça y est, c'est bientôt le week-end, ça y est, moi je suis toujours au week-end. Singing Back. This pants. 18h18, un peu de son dans vos oreilles. Ça, c'était bon, ça, à l'époque, en boîte. Hein. Bah ouais, Moloko, Seng, N, Back. On adore la radio, on adore faire de la radio. Justement, la radio qui a été inventée en 1900 par un Canadien. Bien, vous savez pas ça, hein. Eh ben, ça date, hein, vous voyez. Le remix, Ed Sheeran, Police, Toto. Si l'on adore, Every Perfect Break You Take Is Africa. C'est sur Radio Arc-en-Ciel. Écoute. Police, Toto, Every Perfect Break You Take in the Africa. Belle journée, bon réveil sous le soleil de la radio arc-en-ciel. 7h, 9h, votre réveil matin, c'est Francky. Et oui, on réveille tous les matins et puis on part du côté de l'Angleterre. Elle est amoureuse, mais amoureuse d'un objet, d'un lustre. Ouais, ça se passe du côté de Leeds, en Angleterre. Amanda est une jeune Anglaise qui ressent plus d'attirance pour les objets que pour les personnes. La Britannique est objectum sexuel depuis son adolescence. Elle dit, j'étais amoureuse d'une batterie quand j'avais 14 ans. Ensuite, des années plus tard, je suis tombée amoureuse du drapeau américain et de la statue de la liberté. Et aujourd'hui, elle est tombée amoureuse d'un lustre. Comme quoi, voyez la vie, hein, c'est compliqué. Heureux d'être là avec vous. Francky, jusqu'à 9h, 7h22, minute, Henry Mendez qui arrive. Et ça, on adore le son Latina. Bon, bien vous sortez du lit. Coucou à Steph qui est connecté du côté de la chapelle Saint-Méma. Salut Steph, salut. Bah, belle journée, elle part au taf. Eh ouais, 7h22, c'est l'heure. Talento y creatividad, el único camino es el éxito. Roster Music, poniéndote el flow tropical. La disco de forma indecente, la mano para arriba, mi gente, que somos latinos de sangre caliente. Quiero tenerla junto a mí, cuando la vez se me diga que sí. Cuando ella quiera nos vamos de aquí, porque en mi cama ya sigue el party. Vamos a quitarnos toda la ropa, mientras yo beso tu boca. Voy jugando con tu pelo, mío, te vuelves loca. Yo quiero ser tu ternura, tu enfermedad. cielo pa' que se quede conmigo. Solo te pido que esta noche bailes conmigo. Todos los latinos con las manos arriba. Todas las solteras con las manos arriba. Si tú estás con fallas con las manos arriba. Si tú ya estás loco con las manos arriba. Tú sabes que rompemos el cap y dominamos la área. Solo hay uno que pega acá, que castiga la cama. Podemos quitarnos toda la ropa, mira yo beso tu boca, voy jugando con tu minutes. Mais on est bien là, Rayos du Sol. Salut Lolo, salut Edouard, salut Boris, salut Louis, Arthur qui est connecté aussi du côté d'Orléans. On vous souhaite une belle matinée. Après 18 ans d'existence sur France 3, ça y est, le sitcom hein, Plus belle la vie s'arrête. Hein. La direction vient de l'annoncer à toute l'équipe. C'était la semaine dernière. C'est fini, Plus belle la vie, si vous étiez fan. Eh bien tant pis, moi j'étais pas fan du tout, mais bon, voilà. Une bonne nouvelle peut-être ou une mauvaise. Sophie Alex Bextor pour les souvenirs. souvenirs, des souvenirs avec Sophie Alex Baxter, Madame Dance Floor. Ça fout les boules quand même de moi sur un dance floor. Hein. 7h28 en direct. 7h, 9h, votre réveil matin, c'est Francky. Olé ! Direction l'Espagne, un couple qui tentait de prendre un selfie ensemble en amoureux. Ça se passe du côté de Cala Cristal à Cuevas del Almanzora. Un couple a fait une chute libre de plus de 30 mètres. Et ouais, la balustrade sur laquelle ils s'étaient appuyés, l'homme et la femme, a cédé sous leur poids. Du coup, ils se sont retrouvés à plus de 30 mètres et miraculeusement sauvés par, je vous dis tout de suite, des algues. Et ouais, il y avait un tapis d'algues en bas. C'était une espèce de flotte avec plein d'algues. Et bien, ça a été amorti. Ils s'en sortent plutôt pas mal avec une fracture de genou, le coude cassé. Mais ça va, ils sont sains et saufs. Donc faites gaffe quand vous faites des selfies. Le collectif qui arrive, l'album, le nouveau, il arrive au mois de juin. Fiesta Latina, un extrait du premier album du collectif Petit C avec Sweet Dream, la prise de Rhythmics en direct à la radio. On vous souhaite un très très bon réveil. Une belle journée du côté d'Orléans, Saint-Privé, La Chapelle, Saint-Mémin, Fayolle, Jargeau. Welcome et bonne vie à la famille. Le nouvel album arrive au mois de juin. Il est énorme, plein de soleil avec à l'intérieur. On peut retrouver Suaremente. Un premier extrait de leur premier album, le collectif avec Sweet Dreams. Courage à vous si vous allez au taf ce matin. 7h32 minutes. Et quand vous étiez gamin, les filles, si vous étiez fan des Barbie, et ben ça y est, le film Barbie, I'm Barbie Girl, sort sur les écrans. C'était il y a 3 jours. I'm Barbie Girl par la comédienne australienne Margot Robbie. Et bien voilà, allez-y les filles. Barbie au cinéma, pourquoi pas, à voir. En tout cas, le titre a cartonné dans les années 2000. Voici à quoi est Barbie Girl. adhérent de la radio Arc-en-Ciel, contactez le 02 38 43 48 00. 96.2 FM, votre fréquence du matin, au boulot, au bahut, ou vous réveille. Quelque chose, je t'ai déjà croisé dans la ville. Je vais pas te mentir, j'ai pas maté tes choses. T'es la plus fraîche si tu veux mon avis. Vas-y, prends mon tel. Quand tu veux t'appeler, je serai à l'hôtel. Dans un nuage de fumée, je te vois derrière les vitres teintées. Ce soir, je vais quitter le rinté. Que je laisserai me descendre à petit feu. Angela. Soupa Crew, Paratic, Angela. Ah ouais, appelle-moi ce soir. 7h38, on est en direct, la section d'assaut. Qui seront aux Élites d'Orléans le 19 mai. Voici ma direction. J'ai demandé pardon sans qu'on puisse me l'accorder. J'ai demandé ma route sans qu'on puisse me l'indiquer. J'ai troqué mes études contre un disque de platine. Tout en sachant ton regard, ton public et de critique. J'ai vu les choses en grand, j'ai du grand, j'ai du talent. Je reste sur mes gardes, je ne suis qu'un homme. Ça capture mon image dans des sets et canons. Tout ça je fais pour moi, c'est qui dit et la terreur. J'ai pété les plombs, j'ai pété les plombs. J'ai quitté l'école, j'ai quitté l'école. Si seulement tu savais, si seulement tu savais. Tout le mal que je garde, tout le mal que je garde. C'est ma direction, j'ai pété les plombs sans abandonner. Sonnerie, les bruits de chaises, moi cherchais d'autres styles de richesse, du journal d'Anne Frank à celui de Bridget. J'ai jamais kiffé lire depuis que j'ai tout fiche, malgré les ratures, je gratte le papier. C'est ma direction, je me suis pas éparpillé, plaqué. Plus d'une fois, dos au remu, trop fier pour demander de l'aide au RMI. Les straves en guise de mythe, les straves en guise de but, traînés par les fils de cul. Je me souviens qu'à la base, on voulait même pas toucher le blé. Ça rappelle ça quand on s'entassait du chef plan. Tu connais Bati Procrit, c'est le gros. J'écrivais dans le trou avant d'aller me casser le dos. Aujourd'hui tout ça n'aurait pas de sens. Sans tous ces sacrifices, sans cette façon. C'est ma direction. J'ai fait les plans sans abandonner ni baisser les pas. Plus nouvelle, pas très faible, malédiction. Dorénavant, je fais de l'avance. C'est ma direction. Ma direction. Ma direction. de rap la Hesse. Dans la rue ça rappe en masse, ça s'appelle d'Alena Hesse. Pour un 16 méga t'agresse, le kick à nous apaise. Nos voix, nos mains s'élèvent quand les flics ça nous rabaisse. Le rêve est à nos pieds, donc on dort tête pêche. On baigne dans les richesses, mais nos lèvres restent sèches. Je vis de ma passion car tous mes tarpes me déplaisent. On cherchait que la reconnaissance, on voulait pas parler d'espèces. Maintenant on fout dans la Hesse, même si nos passés les baissent. Ça veut acheter des caisses, attaquer le marché des States. Si on a autant ramé, c'est pour être stock à l'arrivée. Pour bien stiquer les remords qui voulaient nous faire chavirer. Mais ça t'a, j'ai quitté pour mieux déplacer des montagnes. Résultat, ma foi baisse, mes autres sont indénombrables. Cherche pas trop la lumière, le soleil brûle ta peau. Oui, le succès de fume m'appelle tu. C'est ma direction. J'ai pété les plans sans abandonner ni baisser les bras. Plus nouvelle, pas si faible, malédiction. Dorénavant, je fais de l'avance, c'est ma direction. Ma direction. Fuck le taf. Un bac pro ça paye pas, avec les sap pour le rap, ben on veille tard. Malgré les découvertes, les sales patrons, j'ai tout plaqué à la conquête des sales partons. Un projet suicidaire, ça passe ou on se casse. Et tu nous suicides, déterminé, on part au front sans armure. Et les plus terre à terre disent qu'on fonce dans un mur. Les darons savent pas ce que je fais, ils disent que je dors. Ils pensent que leur fils on ne vit que d'or. Sans savoir que ce petit qu'on prépare des disques d'or. Et que tous ceux qui négligent, ben en plus que tort. J'ai où je vais sans savoir si je serai le bienvenu. Je suis pas invité, je suis accompagné. Je me dirige vers la gloire et les blêmes. Pro, la musique est une femme à problème. Mais c'est ma direction. J'ai pété les plans sans abandonner ni baisser les bras. Plus nouvelle, pas très faible, malédiction. Dorénavant, je fais de l'avance, c'est ma direction. Maria Grossel en direct ce matin à la section d'assaut le 19 au Cénit d'Orléans, ça va être énorme. Et puis un grand bravo à Walter Hoffman qui a 100 ans et il est fier. Pourquoi? Parce qu'il est rentré dans Guinness des records et je peux vous dire c'est énorme pour lui parce qu'il a travaillé 84 ans dans la même société. Ça se passe du côté du Brésil de Gaulle. Bravo Walter Hoffman, 100 ans. 84 ans dans la même société. Est-ce que vous allez travailler 84 ans dans la même boîte? Peut-être pas. Voici le carton du week-end dans les discothèques. Le samedi soir, vous dansez là-dessus. C'est Kungs, clap your hands. Sur le dance floor déjà, sur le périph. Non, on n'est pas à Paris, on est à Orléans sur la tangentielle. 7h45 minutes avec le DJ toulonnais Kungs, clap your hands. Et si vous avez plus de 40 ans, eh bien, je peux vous dire, hein, je viens de voir une étude là, il faut dormir au moins 6 à 7 heures par nuit. Voilà. Donc ce soir, dodo, de bonne heure, hein, ok? Avec une petite soupe et une petite tape sur les fesses. Le remix de Jean-François Maurice, pour ceux qui n'ont pas connu, ancien animateur radio, une voix de dingue, 28 degrés à l'ombre, ah, le slow de l'été 1982, qui a été remixé par un DJ parisien et qu'on adore. Voici 28 degrés à l'ombre. Eh, on n'est pas loin aujourd'hui, hein, la météo qui arrive juste derrière. Aujourd'hui mardi, le ciel est nuageux en ce début de matinée. Le ciel va se dégager et le ciel sera bleu cet après-midi. Les températures, on va monter quand même jusqu'à 27 voire 28 degrés à Orléans, Saint-Jean-de-Bray. Je vois déjà des cerises qui commencent à pousser à la radio sur le petit cerisier. J'ai vu que Saubert là, ouais super, on va commencer à manger des cerises. Ah ouais, ça arrive de bonne heure. En tout cas, il va faire beau aujourd'hui, donc profitez si vous avez la piscine, si vous avez le petit pataugeoir dans la cour, eh bien allez-y. Ah ouais, au bureau peut-être une terrasse ce midi à bronzer. Profitez, mettez un petit peu de crème et tout va aller bien. El Amante, ça arrive, c'est Nicky Nikiliam. Belle journée, bon réveil. Ya yo me cansé, no quiero ser tu amante. Te digo de mi parte que no aguanto más. Ya no aguanto ver el otro como dice que es el dueño tuyo. Me mata el orgullo. Él ni te sabe hablar. Esta la hice pa' él. Cuando la escuche quiero estar ahí para ver. Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted. Tal vez suene un poco mal, lo sé y no me luce.

fosse così, una canzone se bastasse, una canzone. L'Italie est en force ce matin. Et Nicole qui nous écoute depuis le Portugal, elle m'a dit c'est 28 aujourd'hui dans le village au Portugal. Voilà, sous le soleil. Et puis on a une pensée bien sûr pour Emilio. Voilà, on voulait lui faire un petit clin d'œil ce matin. Bisous ma Nicole. À Orléans, en direct ce matin, 7h57. On est pas loin du Portugal quand même, hein. 26 degrés aujourd'hui. Ça va avec le temps, hein, ça. Isabella, le groupe de Caliente. Renette avec vous, c'est Francky de la radio. L'horoscope qui arrive dans moins de 3 minutes. Et avant, le son de Gims sur Radio Arc-en-Ciel. Belle journée. Courage à vous si vous arrivez du côté de si la chapelle Saint-Mémin. Et avec son taf, et ben on y va. Les yeux oubliés, si on devait ce qu'on s'était dit, ça vaut tout l'or du monde. Et si on allait sur une île ou sur une planète vide, peu importe le prix, ça nous rendra plus forts. Tu prendras toutes mes gênes et toutes mes peines. Je ferai de même en prenant toutes les tiennes. Je serai fidèle, fidèle, fidèle, fidèle. Tu seras fidèle, fidèle, fidèle, fidèle. Tu prendras toutes mes gênes et toutes mes peines. Je ferai de même en prenant toutes les tiennes. Je serai fidèle, fidèle, fidèle, fidèle. Tu seras fidèle, fidèle, fidèle, fidèle. un empire qui nous ressemble vraiment. Et dire qu'on pensait être folie, sans même tourner les pages du lit. Quand toi rien n'est impossible, on a figé le temps. Tu prendras toutes mes gênes et toutes mes peines. Je ferai de même en prenant toutes les tiennes. Je serai fidèle, fidèle, fidèle, fidèle. Je serai fidèle, fidèle, fidèle, fidèle. Tu prendras toutes mes gênes et toutes mes peines. Qui seront bientôt nos invités. Le nouvel album Super Époque arrive dans les bacs et je peux vous dire il est énorme. Rejazz et Frankie dans la radio. L'horoscope. L'horoscope, c'est maintenant. Non, c'est la semaine prochaine. Les jingles de Pascal qu'on salue au passage, mon ami Pascal qui nous écoute le matin. Et on démarre avec les béliers. Vous créez une ambiance dynamique dans votre foyer ce matin. Les taureaux, vous aurez l'impression que votre partenaire vous délaisse, mais il est simplement pris par sa vie professionnelle. Les gémeaux, vous vous rapprochez beaucoup de certains membres de votre famille aujourd'hui. Et cela vous fait du bien. Les cancers, il y a de l'électricité dans l'air, mais tout ça allait s'arranger ce soir normalement si tout va bien. Voilà pour les lions aujourd'hui. Vous vous sentirez libre comme l'air et disponible. Vous allez vers les autres. Les vierges, vous serez plus détendu qu'hier et vous ne ménagerez pas vos efforts pour établir des liens affectifs. Les balances, vous remettez sur pied un projet que vous avez mis de côté il y a quelques semaines. Les scorpions, entourés de ceux qui vous aiment, vous retrouverez le sourire ce matin. Les sagittaires, l'ambiance de vos amours va se refroidir et les malentendus et complications risquent de se multiplier. Les capricornes, si vous vivez en couple, un désir d'enfant pourrait vous titiller. Les verseaux, les jours se suivent mais ne se ressemblent pas malheureusement. Et enfin, les poissons, votre vie sentimentale devait être assez calme aujourd'hui. Pas de mauvaise surprise en vue après ces dernières semaines assez compliquées. Courage à vous si vous arrivez du côté de Saint-Privé, Orléans, la chapelle Saint-Mémin. Il y a du son, Latina, Elvis Presley, tout le monde le connaît avec Solemente. Et puis ce type qu'on aime bien, l'Espagne, l'odeur ce matin, Sonarisa. Será tu sonrisa. Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida. Será tu sonrisa, será tu sonrisa. antenne, appelle le 02 38 43 48 00. Ça à l'époque, hein, 1985, les Brothers Johnson semblent un peu de funky music dans la voiture. Le soleil va faire son apparition tout au long de l'après-midi jusqu'à 27 voire 28 degrés. Ça, c'est la très bonne nouvelle. La deuxième, c'est Rizza qui arrive. L'Orléanais, la famille, bah ouais, souvent il est venu ici nous voir. Et puis il continue sa petite carrière. Je salue son papa qui est en Corse. Voici la famille Rizza, l'Orléanais. Commencer, monte le son, baisse d'un ton. À tout moment, je peux passer à l'action. Attention, pas de question. Calmement, on y va sans pression. Monte le son, baisse d'un ton. À tout moment, je peux passer à l'action. Attention, pas de question. Calmement, on y va sans pression. Et je mange ça. Me fixer, on la quétale, ça la mélo. Je veux juste des kiffs, ce qui fait glisser. Perdre les bonnes classico. Je ne joue pas, pourtant t'es bluffé. Et je mange ça, et ça, et ça. Là c'est dingue, dingue, dingue. Je fais mes bye, bye, bye. Vas-y, wine, wine, wine. Et je mange ça, et ça, et ça. Là c'est dingue, dingue, dingue. Je fais mes bye, bye, bye. Vas-y, wine, wine, wine. Là c'est dingue. Je traîne en gamos, je sens une main passer dans mon cou. Je suis accompagné d'une bastos, je suis en love et oui, je l'avoue. Elle veut me faire goûter son gloss. J'pense pas que je vais donner ma joue. J'crois qu'elle veut me faire un gosse. Et j'mange jaï, jaï, jaï. Là c'est dingue. Conseil, Ritza, l'Orléanais, ça fait longtemps qu'on l'a pas, vu, Ritza. Tiens, on va essayer de l'appeler cette semaine, voir ce qu'il vient, mon petit Ritza. 8h15, là, c'est Dai. Et puis lui, il sera en concert à Orléans, jeudi soir. Un concert à ne pas louper. Pour tout renseignement, on m'appelait 0238 43 4800. Voici Tiad. Et on adore sur la radio Arc-en-Ciel. Eh ouais, vous l'adorez. Mon petit Titi. Et partir où mon cœur me pousse. Je voudrais retrouver mes traces. Où est ma vie, où est ma place? Et garder l'or de mon passé, au chaud dans mon jardin secret. Je voudrais passer l'océan, croiser le vol d'un goéland, penser à tout ce que j'ai vu, ou bien aller vers l'inconnu. Je voudrais décrocher la lune, je voudrais même sauver la terre. Mais avant tout, je voudrais parler à mon père. Pas le plus grand ni le plus beau. Je le remplirai des images et des parfums de mes voyages. Je voudrais freiner pour m'asseoir, trouver au creux de ma mémoire les voix de ceux qui m'ont appris qu'il n'y a pas de rêve interdit. Je voudrais trouver les couleurs des tableaux que j'ai dans le cœur, de ce décor aux lignes pures où je vous vois et me rassure. Parler à mon père. Qui est en concert jeudi Orléans. Si vous voulez aller assister à ce concert, vous m'appelez 02 38 43 48 00. Salut à Yann qui est connecté du côté de La Chapelle. Olivier, vous nous écoutez 96.2 FM à la mairie de d'Olivier. On nous écoute. Salut la mairie d'Olivier. Eh ouais, 8h18 minutes. Je vois les cerises dans la cour là de la radio. Hein. Ça me donne faim dès le matin comme ça. Il cartonne numéro 1 des charts en ce moment. Il s'appelle Yann. Il a plein de tatouages. Vous allez voir. Il est pas mal. Il est beau gosse. Hein. Et c'est clic clic, pan pan, tutu. Belle journée et bon réveil. Comment j'aurais ma chérie, t'es trop séduisante. T'étais mon chouchou, je sais pas ce qui s'est passé. Je repense à toi chaque jour, j'aimerais recoller ce qui est cassé. Tu me dis que c'est fini, qu'il n'y a plus de nous. Je vais mieux t'effacer. Je sais pas à quoi tu joues, mais je peux pas oublier le passé. Je peux pas oublier le passé. Oublier le passé. T'étais mon chouchou, je peux pas t'effacer. T'es la plus belle des étoiles parmi les autres, je vois que toi. Si tu te sens seul, dis-moi, il reste une place auprès de moi. Le projecteur sur toi, c'est fou comment tu brilles dans le noir. Comment j'aurais fait pour pas te voir? Je sens que tu caches quelque chose. C'est bon, me mens pas. Plus du tout comme avant. Je sais pas ce qui se passe, je te reconnais pas. Je sais pourquoi je suis con, mais je reste le premier dans ton cœur. Si les minutes sont des secondes, je te ferai l'amour pendant des heures. Je sais que le passé c'est passé, mais y'a qu'à toi que je peux me confier. Tu sais, je viens parano des fois. Quand je reste seul, direct, je pense à toi. Clic, clic. Et ça fait clic. Bon, bon. On adore la radio, celui-là. Yanns. Tous les ans, il y en a un petit nouveau comme ça. Hein. Il y a Marwalade aussi, qui était pas mal. Yanns, bon, on aime bien. Il y a les tragédies dans les années 2000. Et puis, aussi, le colonel Rayel en 2010. Vous adorez toujours. Hein. Celui qui partage ta vie, bah, il est là. Voilà, il est revenu. Aussitôt que le jour se lève, tu es dans ma tête. Tu hantes mes pensées, je n'en sortirai pas inerte. Car tu as ton copain et tu tiens à lui, c'est net. Mais girl, écoute ça. Te dire que je ne veux pas te détourner serait malhonnête. Tellement tu contrôles mes réactions, telle une marionnette. Pourquoi cela tombe-t-il ainsi? Laisse-moi être celui qui partage ta vie. Oui, celui à qui tu te confies. Nul ne saura te comprendre mieux que moi. Donne-moi ma chance, tu verras. Au pire, celui qui partage ta nuit. Passer quelques heures avec toi dans ce lit. Je saurai prendre soin de toi. Laisse-moi ma chance, tu verras. Mais t'imagines même pas ce que je ressens pour toi. Un truc de dingue, je peux même pas mettre de mots sur ça. J'aurais jamais pensé qu'un jour j'en arriverais là. Dans le style fleur bleue, c'est vraiment pas moi. Mais je peux rien y faire, il faut que je l'exprime. Un amour sincère dans un monde où le sexe prime. Donc je cesse filmer, t'exprime mon estime. Girl, tu seras ma Sylvia et moi ton mestre. Laisse-moi être celui qui partage ta vie. Oui, celui à qui tu te confies. Nul ne saura te comprendre mieux que moi. Donne-moi ma chance, tu verras. Au pire, celui qui partage ta nuit. Passer quelques heures avec toi dans ce lit. Je saurai prendre soin de toi. Laisse-moi ma chance, tu verras. Le ventre charme exotique, je fonds comme Kim. Sensuellement ultime, limite coquine, copine. Profiter de la vie, c'est la doctrine. Docteur, à mes heures perdues selon le timing. Doc réel, page, une écho. Tes problèmes de gal, ouais, je n'écho. J'ai étudié la chose à mon école. Celle des Guadeloupéens de la grande époque. Laisse-moi être celui qui partage ta vie. Oui, celui à qui tu te confies. Nul ne saura te comprendre mieux que moi. Donne-moi ma chance, tu verras. Au pire, celui qui partage ta nuit. Passer quelques heures avec toi dans ce lit. Je saurai prendre soin de toi. Laisse-moi ma chance, tu verras. Je veux être celui qui t'accompagne. Que tu sois ma compagne. Qu'on se fasse des purs voyages. T'inquiète, ce sera pas la campagne. À base d'on est en pagne. On pète le champagne. Ami, ami, le Brésil, le Maroc ou l'Espagne. Le reste, l'épargne. Ouais, je te l'épargne. Deux, trois bisous, un câlin sous la couette épargne. Faut que je redescende sur terre. Je n'ai même pas encore ton tel. Laisse-moi être celui qui partage ta vie. Oui, celui qui brave tes interdits. Nul ne saura te comprendre mieux que moi. Donne-moi ma chance, tu verras. Au pire, celui qui partage ta nuit. Passer quelques heures avec toi me suffit. Je saurai prendre soin de toi. Laisse-moi ma chance, tu verras. Tu verras, tu verras. Je serai celui-là. Oh non, je te le dis, je te le dis. Je serai celui-ci. Tu verras, my girl. Tu verras, my girl. Non, je te le dis, je te le dis. Je serai. 7h, 9h, votre réveil matin, c'est Francky. Sur l'arc-en-ciel, belle journée sous le soleil qui va arriver tout à l'heure à 14h, je peux vous dire jusqu'à 27-28 degrés, ça c'est la bonne nouvelle. Et ce Brésilien qui fête ses 100 ans, Oscar, aujourd'hui, 84 ans, qui a bossé dans la même société, imaginez-vous, 100 ans, 84 ans. Eh ouais, bravo monsieur le Brésilien. Bah justement, en parlant du Brésil, si le Brésilien Natino qui arrive, c'est en Mela, passez une agréable journée avec du beau temps aujourd'hui, ça fait du bien, la chaleur rend le corps heureux. Mais ouais, c'est ce qu'on dit. En Mela. Latino, le souvenir du Brésil. C'est vrai que ça rappelle des bons moments au club. Et lui, il arrive. Solamente. Salut à SNCF qui nous écoute. Allez, on les salue, hein. Bah, sacré job quand même, hein. 8h35. Ah, on est bien, sous le soleil, jusqu'à 27, 28 degrés. Salut Stéphane qui nous écoute aussi du côté de Saran. Salut mon Steph, le meilleur des souvenirs. Ah, je suis déçu parce qu'il y en a un qui est décédé il y a pas longtemps, là. Ah ouais, le mythe des années 80, 70. Forbidden Fire, Boogie Boogie Wonderland. Oh,

dica manuni. Sus clases él me dica manuni. Sus clases él me dica manuni. Sus clases él me dica manuni. A te comer, se queda sal. Vamos a hablar, vamos a pesar con Juan. Vamos a hablar. Si jamais un jour m'en tombais malade. Sous place et sale médicament l'ouni. Sous place et sale médicament l'ouni. Sous place et sale médicament l'ouni. Sous place et sale médicament l'ouni. Contactez le 02 38 43 48 00. ciel, des étoiles plein la tête. Devenez adhérent de la radio Arc-en-Ciel. Contactez le 02 38 43 48 00. J'avais un cœur. Salut poteau, la première fois c'était chez nous, hein. On s'en rappellera quand il fera des zéniths. Devenir adhérent de la radio Arc-en-Ciel, pourquoi pas? Bah ouais. Devenez adhérent de la radio Arc-en-Ciel, contactez le 02 38 43 48 00. Bah venez rejoindre cette grande famille de la radio Arc-en-Ciel si vous voulez devenir adhérent, là, c'est 20 balles, 20 balles à l'année, franchement vous avez plein d'avantages. Et puis vous aidez aussi votre radio locale qui cartonne depuis 34 ans. Vous m'appelez au 02 38 43 48 00, 02 38 43 48 00 et vous allez rejoindre la grande famille de la radio Arc-en-Ciel. Voilà, ça fait du bien d'avoir des adhérents, plein d'adhérents. 02 38 43 48 00, c'est le numéro du standard si vous voulez devenir adhérent. Et bien moi je vous laisse avec monsieur Laurenceau dans quelques minutes qui arrive et puis nous on se retrouve demain matin à partir de 7h 9h. Salut la famille. Nettoyage 117 route nationale 45 140 Ingré 02 38 22 08 57 mail accueil@calinette.fr. Calinette Nettoyage est une entreprise reconnue dans le département du Loiret pour son savoir-faire et son professionnalisme. Calinette Nettoyage, votre expert en nettoyage près d'Orléans. Remise en état, avant travaux ou suite à un sinistre, entretien d'espaces verts, le nettoyage de vos parcs et jardins. Des solutions performantes et adaptées à chacun de vos besoins. Calinette Nettoyage. Devenez adhérent de la radio Arc-en-Ciel. Contactez le 02 38 43 48 00. RPG International, professionnel du voyage près de chez vous. Voyage à faire, personnel, vacances, transport spécialisé en liaison aéroport. Location de chauffeurs avec ou sans voiture, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nos chauffeurs sont à votre service en français, anglais, portugais et espagnol. Simplifiez-vous la vie et réservez chez RPG International.